La cérémonie de constitution du Comité national béninois pour le souvenir du général Kim Jong-il a eu lieu le 25 courant à Cotonou. Y ont pris part des personnalités de l'amicale béninoise Vive le général Kim Jong-il, du Comité national béninois d'études des EDUGC, du Cercle béninois d'études du Kim Jong-lisme et de l'Université des journalistes de Cotonou. Les participants ont observé un moment de silence à la mémoire du général Kim Jong-il. Le comité a décidé d'organiser des activités pour exalter la vie du général Kim Jong-il à l'occasion du 5e anniversaire de son décès.